Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous avons la grâce d'appartenir à un Dieu qui est plein d'amour, plein de compassion. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu réalises l'amour de Dieu pour toi? Regarde dans ta famille, combien sont ceux qui sont déjà morts? Regarde l'année passée, comment tu as frôlé un accident mortel parce que le diable t'a ciblé. Mais l'Éternel a dit, c'est pourquoi il t'a envoyé sur la terre, n'est pas encore atteint. Oui, remercie le Seigneur pour la vie qu'il t'accorde. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira certainement. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à l'émission OSB, opération sur la brèche. Romains chapitre 10, 1 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Lisons notre passage du jour, Romains 10, 1 à 13. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce texte. La première vérité, c'est notre prière pour tous ceux qui ne sont pas sauvés. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont des religieux. Ils vont à l'église chaque dimanche. Ils vont à la messe. Ils disent, moi je suis membre de telle religion. Ils occupent même des responsabilités dans l'église. Ils sont diacres, diaconesses, anciens, prophètes. Ils font partie de ce que Paul dit, ils ont du zèle mais sans intelligence. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est zélé, il peut se réveiller tous les matins, il ne manque pas la messe. Mais il est zélé pour les choses de Dieu. Il prie, il fait même le carême, le jeûne. Mais il a du zèle, mais le zèle sans intelligence, c'est le cas d'Israël ici. Vous voyez, l'apôtre Paul dit au verset 1, « Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Cela veut dire que Israël, bien que c'est une nation, un peuple qui nous a donné Jésus, un peuple élu de Dieu, mais ne croit pas en Jésus-Christ, mais ils ont des pratiques religieuses, ils font beaucoup de cérémonies, surtout autour des fêtes. Mais Paul dit au verset 2, « Je leur rends les témoignages qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends, peut-être que c'est la première fois que tu écoutes OSB. Tu as du zèle pour Dieu, écoute-moi. Ce n'est pas le zèle que tu as. Ce n'est pas à cause du nombre de carême que tu fais. Ce n'est pas parce que tu donnes beaucoup de monde aux pauvres que tu seras sauvé. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de te repentir. Et nous devons prier pour tout cela. Nos membres de famille, nos proches, y compris Israël, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Deuxième vérité concerne Jésus-Christ. Jésus-Christ est la fin de la loi. Cela veut dire quoi? À partir du moment où Jésus-Christ est mort et ressuscité, il est celui qui est venu accomplir la loi. Il est la fin de la loi. On ne peut plus être justifié par la loi. Vous voyez, la loi n'était qu'un pédagogue qui devrait nous conduire jusqu'à Jésus-Christ. Le verset 4 dit, « Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Le paradigme a changé avec Jésus. D'ailleurs, personne ne pouvait être sauvé par la loi. Ici, l'apôtre Paul dit, voici ce que la loi de Moïse dit. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Cela veut dire que pour que tu sois sauvé, s'il était possible par la loi, tu dois mettre la loi en pratique. Par exemple, les 10 commandements dont les gens parlent là. Il faut avoir 10 sur 10 tous les jours. Ce n'est pas question de dire non, il a eu 9, il a eu mention honorable. Non, si tu manques à un seul commandement, même un seul jour, tu ne peux pas être sauvé. Or, ça c'est impossible, vous voyez. C'est ça la justice selon la loi. Mais le paradigme a changé. Quand Jésus-Christ est venu, lui qui a accompli parfaitement la loi, maintenant Dieu nous demande tout simplement de croire en lui, d'être justifié par la foi, vous voyez. C'est ça. Dieu nous accorde la justice par la foi en Jésus-Christ et non pas par la loi. Troisième vérité ici concerne la condition pour être sauvé. Il y a beaucoup de gens qui se posent la question, comment puis-je faire pour être sauvé? Est-ce que c'est lorsque je passe par les eaux du baptême? Est-ce que c'est lorsque je passe par la confirmation? Est-ce que c'est lorsque je fais des jeûnes et des prières? Est-ce que c'est lorsque j'achète toutes sortes de versions de Bible? Ou quand je suis proche du pasteur ou du prêtre, mon ami, toutes ces choses ne peuvent pas te sauver. Écoutez maintenant ici, il y a deux choses importantes que l'apôtre Paul souligne ici. Il faut confesser de sa bouche le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième condition, il dit, il faut croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous voyez, le verset 9 dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Confesser Jésus de sa bouche, ce ne doit pas être seulement une simple confession des lèvres. Parce que ce que nous confessons doit être l'émanation de notre foi. Vous voyez? Je dois confesser Jésus comme Seigneur. Quand je dis Jésus est Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus-Christ est le seul sauveur et le seul Seigneur. Quand on dit Seigneur, c'est que le grec appelle Kyrios. Cela veut dire qu'il est Dieu. C'est un titre divin. Il est le propriétaire de toutes choses. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Quand je confesse que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire que je crois qu'il n'y a pas d'autres puissances qui peuvent égaler celle de Jésus. Je ne peux pas être membre des loges mystiques pour avoir la protection. Si quelqu'un dit, moi je confesse Jésus comme Seigneur Sauveur, en même temps il a les canaux. Il va voir les marabouts, il a des talismans, ceux qui ne confessent pas Jésus comme Seigneur. Je parle à toi. Si tu confesses Jésus comme Seigneur, tu crois que le nom de Jésus est au-dessus des pouvoirs mystiques, au-dessus des pouvoirs des sirènes des eaux, au-dessus des puissants de la mort, au-dessus des puissants des femmes de nuit, des maris de nuit. Tu vois, confesser Jésus comme Seigneur, il est au-dessus de tout. Deuxième chose, il dit, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous voyez, il y a une relation étroite entre la confession de sa bouche et la foi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui récitent seulement des choses. Mon ami, il y a des prières que tu fais là. On t'a appris de réciter des prières, les Notre Père, de réciter telle prière, Jésus, tout ça. Mais si ça ne vient pas du cœur, tu ne peux pas être sauvé. Il y a beaucoup de gens de manière mécanique, on leur fait répéter des prières, mais ça ne vient pas du fond du cœur. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est réellement ressuscité. La résurrection de Christ est au centre de notre foi chrétienne. Si aujourd'hui nous prions chaque matin à OSB, parce que nous croyons que Jésus Jésus est non seulement mort sur la croix de Golgotha, mais le troisième jour, alléluia, il est sorti du tombeau. Je parle à quelqu'un ce matin, tu souffres d'une maladie. Si tu crois que Jésus est ressuscité, tout ce qui est en toi qui est mort va ressusciter. Ta santé va ressusciter, tes finances vont ressusciter, tes affaires vont ressusciter, ton foyer va ressusciter, ton fils qui souffre, ça fait plus d'un mois, le Seigneur est capable de le toucher parce que la puissance de la résurrection va toucher sa vie. Tu dois croire en ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Vous voyez, lorsque les deux conditions sont réunies, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous voyez la condition pour être sauvé? Ce n'est pas en étant baptisé, hein, mon ami. Tu peux être plongé dans les eaux du baptême et que même si tous les prêtres du monde, tous les pasteurs du monde sont venus à ton baptême, mais si tu n'as pas la foi, tu ne crois pas en ton cœur, hein, tu ne seras pas sauvé, mon ami. Tu iras en enfer. Il dit ici au verset 10, « Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, verset 11, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je voudrais ce matin que nous puissions le glorifier en chantant ces cantiques. L'amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, tout est consacré ma vie entière et ce qui est à moi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, tout est consacré ma vie entière. Et ce qui est à moi, oh, reconnaissant pour tout te bienfait, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière, et ce qui est à moi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est à moi. Ton ton amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, ton grand amour s'est manifesté. Quand j'ai crié à toi, oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi, oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi, oh, reconnaissant pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour consacrer ma vie entière. Et ce qui est à moi. Gloire à notre Dieu, gloire à Jésus-Christ, notre Rédempteur, gloire à celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Célèbre son nom, élève ton nom maintenant, élève son nom en bénissant son saint nom ce matin. Nous te bénissons Jésus, toi le Dieu ressuscité. Tu es celui qui t'est fait homme pour nous parler. Tu es celui qui nous parle jour après jour à travers tes serviteurs. Tu les conduis. Oh, c'est pourquoi nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Toi le maître des temps et des circonstances. Tu es celui qui crée des circonstances même pour nous parler. C'est pourquoi nous te bénissons Jésus, toi qui as souffert à notre place, qui est mort et ressuscité. Sois béni, ô notre Dieu, notre Seigneur, toi le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi nous bénissons ton nom en ce moment, nous te rendons toute la gloire. Toi le Dieu souverainement élevé, toi qui es assis à la droite du Père. Oh, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom en ce moment. Que l'honneur te revienne, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Notre passage du jour, c'est Romains 10, 1 à 13. Je rappelle que pour ceux qui ont une connexion Internet, ils peuvent suivre OSB en consultant notre page web www.radiofréquencevie.com. Je reprends www.radiofréquencevie.com. Oui, nous venons de voir dans ce passage que nous devons prier pour tous ceux qui ne sont pas sauvés. Tous ceux qui sont des religieux, en commençant par nos amis d'Israël, ils nous ont donné Jésus, mais ils ont du zèle, dit Paul, sans intelligence. Nous avons aussi des parents qui sont membres des religions traditionnelles, qui partent à l'église catholique, à l'église protestante, méthodiste, assemblée des dieux, sémants, je sais pas, qui sont seulement des religieux. Ils les font tout simplement parce que toute la famille y va. Si tu vois quelqu'un comme ça, il a un zèle, mais n'a pas l'intelligence, prie pour lui, prie pour que le Seigneur se révèle à lui, afin qu'il soit réellement sauvé. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière, opération sur la brèche, la force. Tendre Père, je te louerai de tout mon cœur dans les assemblées. Je te louerai de tout mon cœur partout où je me rendrai. Je te louerai de tout mon cœur chaque fois que je me réveillerai, comme ce matin au Père éternel. Je te loue pour tous tes hauts faits et pour toutes tes grandes réalisations. Et je prie au Père éternel pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour tous ceux qui n'ont pas encore reçu ton Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prie au Père éternel pour la nation d'Israël, afin qu'elle puisse reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et l'accepter. Je prie pour mes amis, je prie pour mes proches, je prie pour mes frères, mes sœurs qui sont religieux mais qui n'ont pas cette relation personnelle avec Jésus-Christ. Je demande au Père éternel que les écailles tombent de leurs yeux et qu'ils puissent découvrir la joie de la véritable communion en Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tout obstacle, que tout blocage, que tout filet jetés par l'ennemi et qui les empêche de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que ce filet soit déchiré dans le nom de Jésus. Que ces obstacles soient ôtés dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui viennent à toi avec leur réflexion, avec leur intelligence et cherchent à te cerner, qu'ils découvrent que Jésus-Christ est véritablement Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au Père éternel. C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Oui, nous venons de voir ici la vérité sur Jésus. Jésus est la fin de la loi. Personne ne peut être justifié devant Dieu par la loi. Parce que pour être justifié par la loi, il faut mettre en pratique tous les commandements. Mais Jésus est mort pour que nous puissions croire et que nous soyons justifiés par la foi en Jésus-Christ. Oh, nous allons prier pour tous ceux qui mettent l'accent sur les œuvres. Il y a beaucoup de gens qui font des œuvres caritatives. Il y a des gens qui sont sincères, mais ils ne savent pas, ils sont dans l'ignorance. Ils croient que c'est par les carêmes, les jeûnes, les bonnes œuvres, la visite des orphelinats, des malades qui peuvent être sauvés. Prions pour que Dieu ouvre leur intelligence, afin qu'ils comprennent que c'est par la foi qu'on est justifié et non par la loi. Prions le Seigneur. Bénissons ton nom ce matin, notre Dieu, notre Père, pour ta parole. Tu nous dis dans ta parole que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et nous croyons que c'est par ton esprit. Oh, les œuvres, l'obéissance vaut mieux que notre Dieu les sacrifices. Et nous voulons marcher dans l'obéissance. Nous voulons marcher selon ton esprit. Nous voulons marcher dans l'humilité, dans la soumission, dans la crainte de Dieu. Nous voulons marcher, non par la vue, mais par la foi. Ce matin, donne-nous la force, Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, Dieu vivant. Oui, c'est bien de faire le social, mais c'est la foi qui nous amène à pratiquer les bonnes œuvres. Et nous croyons, les œuvres ne doivent pas être en avance, mise en avance par rapport à notre Dieu, notre Père, à la foi, à la crainte de Dieu, à l'obéissance à ta parole, à la soumission. Et nous te demandons de nous aider, Seigneur. de nous aider à nous attacher à toi, de nous aider à mettre en pratique ta parole, de nous aider, Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, à évangéliser, à aimer notre prochain, à aimer la prière, à aimer la méditation de ta parole, à nous aider à aimer le pardon, la réconciliation, que de mettre en œuvre les œuvres. Viens à nos secours, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que pour être sauvé, il faut confesser Jésus comme Seigneur. Il faut croire en son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je voudrais que nous puissions prier ce matin, que chacun puisse confesser pour dire « Seigneur, moi je confesse que tu es Seigneur. » Et si Jésus est Seigneur, cela veut dire quoi? Tu l'élèves, qu'il est au-dessus de tout pouvoir. Il est capable de libérer, il est capable de sauver. Quand on parle du salut, c'est un salut complet. Il sauve l'âme, il sauve aussi le corps, il sauve l'esprit. Il est capable d'intervenir même dans ta vie, dans ta situation. Si tu as un problème qui est compliqué, oh, tu vas invoquer les ressuscités, en fait que sa puissance de résurrection se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni parce que tu nous as sauvés. Sois loué, sois exalté, sois magnifié parce que tu nous as rachetés. Oui, la Bible dit effectivement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés et nous confessons Christ crucifié et nous confessons que Christ est notre Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ambassadeurs du salut. Nous sommes heureux d'annoncer que Jésus-Christ est le chemin, Jésus-Christ est la vérité, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a point d'autre, il n'y en aura point d'autre. Il est le ressuscité qui nous fait grâce, oui, qui veut que tout le monde parvienne au salut. C'est pour cela que je prie pour ma sœur qui s'interroge, qui me délivrera, qui me sauvera, qui me fera sortir de cette situation, qui me donnera la joie. Père, merci parce qu'il n'y a point de solution qu'en toi, toi Jésus-Christ. Merci parce que tu te révèles à cette sœur. Merci parce que tu guéris quelqu'un encore aujourd'hui. Merci Jésus parce que tu délivres, tu affranchis, tu restaures et tu ouvres encore une porte dans la vie de quelqu'un. Tu es capable, tu es digne, tu es élevé, tu es magnifié, tu es adoré, tu es loué. Béni sois-tu pour toutes tes merveilles dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons apprécié le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Je voudrais rappeler notre rencontre bonheur conjugal pour le marié. Nous allons développer ce thème, la réalité du combat spirituel dans le mariage. Ce sera pour ce dimanche 28 février 2016 à partir de 17h au CPE. L'entrée est libre. Au revoir et à demain. Par son bras puissant.